comme ça qu'on m'appelle à Paname. Moi aussi je viens de sortir de ma planque comme Saddam. 9-3 de cette zone par l'apocalypse. Après bang bang, tous les GPS me localisent. Au père, c'est la peur à X3K 2012. Et on n'attend pas que le rap mette l'essence dans le V12. J'ai pas de formule secrète dans mon labo. J'ai juste mis un moteur d'Airbus sous mon capot. À ce qu'il paraît, dans la musique, y'a tout qui s'achète. Mais on n'a pas les moyens, mec, on sortira les machettes. J'pèse le rap. Danse en porte jartel, mon équipe inspirée de la Colombie et de son cartel. Animalier, j'ai imposé mes griffes, j'ai des fourmis dans l'épée, y'a un gros piton dans le calcif. Faire la guerre avec un sabre, une sarbacane, oublie, ici faut le gif avec l'argent de la cam. Et ouais, 9-3 au Blair, n'est-ce pas, mon équipe c'est du lourd, reste tranquille gros. J'suis un chien, une enflure, un bâtard, ferme ta gueule. On t'allume, reste tranquille gros. Y'a des guns, y'a des putes, y'a de la cam, y'a du cash, on est là dans le quartier, reste tranquille gros. J'ai les crocs, j'ai la dalle, t'as bien vu, fais paillette. Si tu me chauffes, j'pète les plombs, reste tranquille. On est tous à la poursuite du diamant vert. On veut sauver le monde, mais peu ont les bras en fer. Tous en guerre, chaque jour des MC s'enterrent. D'autres naissent et avancent dans la meute sans repère. Des rappeurs, y'en a combien? Sur les doigts de mes pieds, j'peux compter ceux qui vont bien. Comme Amel Benz, je visais la lune, mais avec un bazooka pour que le ciel s'allume. J'ai pas envie de faire les choses à moitié. Si j'pose mes mines, c'est pour faire péter le quartier. J'te parle de missiles, c'est mes freestyles. Demande à Zoxy, peut-t'en parler à domicile. Si j'te pète les couilles, change de fréquence et recule-toi du poste si mes rimes sentent l'essence. J'peux pas dire que j'rappe pas pour l'argent. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'suis là pour honorer mes agents. Et ouais. 9-3 au Blair, n'est-ce pas, mon équipe c'est du lourd, reste tranquille gros. J'suis un chien, une enflure, un bâtard, ferme ta gueule. On t'allume, reste tranquille gros. Y'a des guns, y'a des putes, y'a de la cam, y'a du cash. On est là dans le quartier, reste tranquille gros. J'ai les crocs, j'ai la dalle, t'as bien vu, fais paillette. Si tu me chauffes, j'pète les plombs, reste tranquille. Les gens de ma planète, celle des singes, ouais. Ou pour mettre une banane, faut vraiment être dingue, mec. Les caries nous prennent pour des demeurés. J'avale plus leur salade à la longue, elles m'ont écœuré. Écoute-les, ils sont invincibles comme Popeye. 50 s'est pris 9 balles, mais c'était dans les orteils. À Paname, y'a pas de bagarre sans fracture. Aucun règlement de compte sans facture. Ici, les guns sont bien rangés. Les bons sont retranchés, les truands tous étrangers. Fidèle au rap, à mon écurie. Les maisons disent veulent me cueillir, elles disent que j'ai mûri. J'reste en indé, j'suis pas un PD. Quand j'ai démarché, ces enculés m'ont pas aidé. M'ont pas aidé, m'ont pas aidé. Et ouais, 9-3 au Blair, n'est-ce pas, mon équipe c'est du lourd, reste tranquille gros. J'suis un chien, une enflure, un bâtard, ferme ta gueule. On t'allume, reste tranquille gros. Y'a des guns, y'a des putes, y'a de la cam, y'a du cash. On est là dans le quartier, reste tranquille gros. J'ai les crocs, j'ai la dalle, t'as bien vu, fais paillette. Si tu me chauffes, j'pète les plombs, reste tranquille. Et ouais, 9-3 au Blair, n'est-ce pas, mon équipe c'est du lourd, reste tranquille gros. J'suis un chien, une enflure, un bâtard, ferme ta gueule. On t'allume, reste tranquille gros. Y'a des guns, y'a des putes, y'a de la cam, y'a du cash. On est là dans le quartier, reste tranquille gros. J'ai les crocs, j'ai la dalle, t'as bien vu, fais paillette. Si tu me chauffes, j'pète les plombs, reste tranquille.